D'autres souvenirs lui revenaient, ceux de sa propre vie, Rosalie, Gilberte, les amères désillusions de son cœur. Tout n'était donc que misère, chagrin, malheur et mort. Tout trompait, tout mentait, tout faisait souffrir et pleurer. Où trouver un peu de repos et de joie? Dans une autre existence, sans doute. Quand l'âme était délivrée de l'épreuve de la terre, l'âme, elle se mit à rêver sur cet insondable mystère, se jetant brusquement en des convictions poétiques que d'autres hypothèses, non moins vagues, renversaient immédiatement. Où donc était, maintenant, l'âme de sa mère, l'âme de ce corps immobile et glacé? Très loin, peut-être. Quelque part dans l'espace? Mais où? Évaporée, comme le parfum d'une fleur sèche? Ou errante, comme un invisible oiseau échappé de sa cage? Rappelée à Dieu? Ou éparpillée, au hasard des créations nouvelles, mêlée aux germes près d'éclore? Très proche, peut-être. Dans cette chambre, autour de cette chair inanimée qu'elle avait quittée. Et brusquement, Jeanne crut sentir un souffle l'effleurer, comme le contact d'un esprit. Elle eut peur, une peur atroce, si violente qu'elle n'osait plus remuer, ni respirer, ni se retourner pour regarder derrière elle. Son cœur battait, comme dans les épouvantes. Et soudain, l'invisible insecte reprit son vol et se remit à heurter les murs en tournoyant. Elle frissonna, des pieds à la tête. Puis, rassurée tout à coup, quand elle eut reconnu le ronflement de la bête ailée, elle se leva et se retourna. Ses yeux tombèrent sur le secrétaire aux têtes de sphinx, le meuble aux reliques. Et une idée, tendre et singulière, l'envahit. C'était de lire, en cette dernière veillée, comme elle aurait fait d'un livre pieux, les vieilles lettres chères à la morte. Il lui sembla qu'elle allait remplir un devoir délicat et sacré, quelque chose de vraiment filial, qui ferait plaisir, dans l'autre monde, à petite mère.